t'a appris. Même les erreurs se payent cash, y'a juste mes choses qui me suivent tout pas qu'on glisse dans la merde, donner les deux seuls coupables. J'ai personne à ma place pour mettre des coups de tarte, t'en fais graille et t'en faire des coups bas, couche top. Je crache que des rafales, t'es pas invisible, donc t'es pas à tout chat. Arrête de t'aimer, espace, on t'écoute pas. Si tu parles dans mon dos, c'est que t'es derrière moi. J'ai pris de l'avance, ils ont crié que j'étais Judas, mais pas quand j'leur donnais à graille. Ces fils de pute sont pas reconnaissants, me lancent des piques depuis que je me suis taillé. Je fais le tri dans mon monde, moi je suis solo. Je mourrais toute seule dans ma tombe, sans mes potos, je me suis pas fait la main, j'ai pas touché de drôle. Rien envié à personne, je vais compter les sommes comme on compte les minutes. En attendant que mon heure sonne, je compte sur personne. J'ai eu tort de ma raison, le rameux qui n'a que sera le montant de la rançon. Je fais le trou de la question pour tous mes petits poissons qui n'a jamais fait faire gaffe, n'est pas à mort, voilà son solo. Moi je compte sur personne, à part sur 22h. On reste de barrer des effets de sort. On compte sur personne, t'es qui t'es là, t'es mort, il se questionne. J'ai la dégaine à la mule, on compte sur personne, non plus tout est miracle. Je suis solo. Moi je compte sur personne, à part sur 22h. On reste de barrer que de bêtes de sol. On compte sur personne. C'est qui c'est là tellement il se questionne. J'ai la dégaine à la mule, là, on compte sur personne. Non plus tout des miracles. Si on fait pas les choses par hasard, pas de chance. Je côtoie que des hargnes biatch. J'ai ma place à la mule, là, on compte sur personne. Non plus sur des miracles. J'ai tellement pris des tours d'avance. Qui m'a perçu, je suis comme un miracle. J'accélère, j'excelle, j'ai les baisses. Tout ma plume pèse des tonnes. En essence, on les écrase tout. Coucou, coucou, de là, y'a des secousses. Je suis statique, même si je te court-circuit. Je crois qu'ils sont des gens pour un maîtrise. Allez, ouf, petit imbécile. Facile de les avoir. Pas besoin de combine. Je suis dans le mille. Sans vraiment que je me complique. La vision totale, le flow qui crasse. Et des chevilles, je rêve finiment de 6 chiffres avant la virgule. Moi, je cochite pour faire des tonnes. Et détacher pendant que c'est une conspire pour cracher des saletés. Tellement la dalle, je vais tout avaler. Ton venin et sa salive, je te conseille de le ravaler. Fallait hier, là où hier, j'y étais. Je rentre dans la course avec le démarrage d'une fusée. Fusée avec mon arc. Je suis dans mon élément. Terre à terre, la lune m'attire comme un putain bon, d'aimant. Mais bon, tout à vous, je m'adresse le numéro. Non, je suis la peste. Je vais tout gré. Je vous laisse pas les miettes. Ils sont tous passés aux oubliettes. On les voit nulle part comme la canicule en descend. Régressant vers la moyenne au cas où je descends. Ils vont voir la patte que je remets dans les parages avec du sky ou du rhum. Moi je compte sur toi.